Le groupe de visite dans la patrie des compatriotes au Japon, conduit par Chong Hyun, est arrivé à Pyongyang le 18 par avion et déposé les bouquets de fleurs devant les statues des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansung avant de formuler l'hommage.